Bonsoir, on est en direct d'MTC Montréal, mardi soir le 1er avril 2014 et le premier Nissan 5774 est secouru pour les Nishma de Rosalie Batourida et de la Rifoche Nima de Yael Batrosali et de Nissim Ben Aviva. Et secouru est donné par le Rav Chaliar du Rabbi à Brossard, Montréal, Québec, Rav Semama Zalman. Et ce soir, ça va être un cours sur le Seder de Pessah. Alors bonne soirée à tous et bon cours. Mais j'ai pas vraiment pu faire trop de notes, mais par contre je vais vous donner une petite copie avec quelques psukim qu'on va utiliser, que vous connaissez certainement, mais on va quand même les distribuer. Vous voulez plus de lumière? Ok, c'est un petit. Ça va, c'est bien. Attends juste la pizza. Vous voulez prendre une feuille et distribuer? Tous les parties, je mange ça. On va déplacer le cours. Ah, c'est enregistré, tu as enregistré, ça, il y a combien de temps que tu as mis l'enregistrement? Il y a pas mal à. Ah, juste avant les feuilles, ça va. Ah, c'est vrai, pas de problème. Mais le email, je pense, c'est ça, il doit mettre sur le site. Pas de problème. Un site. Non, il me donne son email et je m'en. Et il t'envoie et tu écoutes tous les coups. Bon, à la voiture. You're getting a pizza. Ok, alors on va commencer. Le sujet, il va porter sur le thème des trois matzot et des quatre kossot. Donc on sait bien que Pessah, il y a beaucoup beaucoup de détails dans Pessah, mais on va dire les choses les plus importantes de la fête de Pessah, ou bien les choses qui coûtent le plus cher, ça reste les trois matzot de Pessah et les verres de vin, les coupes de vin. Donc au soir du Seder, la mitzvah, une des mitzvot les plus importantes, c'est d'avoir le plateau du Seder avec trois matzot, et puis de boire les quatre kossot. Alors, en fait, il y a une question simple, c'est pourquoi 3 matzot et pourquoi 4 kossot. Et sur ça, on va essayer un peu d'élaborer avec les différentes informations qu'on peut retirer soit de la Gemara, soit du Shulchan Aruch ou bien des Mefarshim. Alors, il faut savoir déjà, peut-être quelqu'un ici dans la salle, il peut nous expliquer différentes raisons par rapport aux 3 matzot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main? Les 3 matzot. Cohen, Lévi, Israël. Cohen, Lévi, Israël. C'est les 3 catégories de personnes. 3 catégories. Ok. Quelqu'un d'autre? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chazak. Alors, il faut savoir que dans les 3 matzot, il y a beaucoup de significations. Mais après, il y a, si on veut, la raison de base, qui est, si on veut, une raison un peu plus technique. Alors, on sait bien que dans la Torah, il n'y a rien qui est technique. Tout ce qui est technique, derrière, il y a un sens. Il y a un sens profond. Et en fait, mais c'est important de savoir aussi la raison technique des choses. Alors, la raison un peu plus technique des 3 matzot, c'est très simple. C'est parce que Pessah, comme à Shabbat ou à Yom Tov, il y a une mitzvah d'avoir l'Echem Mishneh. Donc tout le monde sait pourquoi on a le l'Echem Mishneh, c'est les deux chalot à Shabbat, parce que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, alors ils mangeaient la manne, et là, quand c'était vendredi, ils prenaient deux parts de manne. Parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer Shabbat, donc ils avaient deux parts de manne pour se rappeler ça, pour commémorer ça, chaque Shabbat, le soir, vendredi soir et Shabbat à midi, on a les Chem Mishneh. Alors Pessah aussi, même qu'on ne mange pas la Challah, on a les Matzot, on a le devoir d'avoir les Chem Mishneh de Matzot. Qu'est-ce qu'elle fait la troisième Matzah? En réalité, c'est parce qu'on sait bien que la Haggadah, elle doit se lire sur un Lechem Oni, un pain de pauvre. C'est pour ça qu'on a la matzah. C'est d'ailleurs pour ça que pour le seder, c'est mieux de ne pas avoir du matzah, une matzah ashira, donc une matzah avec des jus de fruits, etc. La vraie mitzvah, c'est avec la matzah shmura, parce que ça va être une matzah, une hégémonie, parce qu'en fait le but, c'est justement de ressentir la pauvreté des juifs en Égypte, la situation en Égypte. Ce qui fait que la halakha nous dit qu'il nous faut une matzah entière, quelque chose qui est entier, ça représente quand même quelque chose de shalem, quelque chose d'important. Même si c'est une matzah, le fait qu'elle soit entière, ça représente qu'elle est importante. Et le seder, le magid, il faut le dire, sur une lechemoni, donc une matzah qui elle-même, elle est cassée, elle n'est pas entière. Et c'est pour ça que quand on commence le seder, Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, on coupe la matzah, une partie on la garde pour la ficomane, et l'autre partie on dit le seder, le magid, on le dit sur cette matzah. Okay, donc si on veut les trois matzot, du côté technique, c'est deux matzot pour faire les chen mishne, parce que plus tard on va faire motzi matzah, et une matzah cassée pour pouvoir faire le magid sur cette matzah cassée qui représente le lechem oni. Le quoi? Lechem oni, le pain de pauvreté. Le pain de pauvreté. Et puis les quatre kosot, la Gemara dans Maseret Psachim, elle ramène justement, la Mishnah, elle ramène qu'il faut boire quatre kosot. Et là, tout de suite, Rashi, il nous explique et il nous ramène en fait un midrash. Et il dit pourquoi on doit boire quatre kosot. Ça représente les quatre leshonot shel Geoula, les quatre langages de Géoula, de délivrance. C'est-à-dire que Dieu, quand il a parlé à Moshe, il lui a dit qu'il va libérer les Juifs d'Égypte. Il n'a pas utilisé un seul terme. Il a utilisé quatre différents synonymes, des genres de synonymes. Et donc, pour représenter ces quatre langages, alors là, nous, on a les quatre kosot qui représentent la Géoula. Okay, on est bien d'accord que le vin, ça représente justement la Géoula. On mange le vin, on boit le vin accoudé pour représenter comment on est, le fait qu'on est libre. Donc, le vin qui représente la délivrance, alors là, on va prendre quatre kosot, quatre verres de vin, qui eux-mêmes vont représenter les quatre leshonot, les quatre langages de délivrance. Sur ce, on peut lire le passou que on connaît tous, mais on va le relire ensemble. On va rappeler que je vous ai donné le passou qui dit: la reine est mort l'ivné Israël. C'est pour cela tu parleras au béni Israël. Donc c'est Dieu qui parle à Moshe. Ani Hashem, je suis Hashem. Vehotzeti etrem mitachat siblot Mitzrayim. Je vous sortirai des tribulations de l'Égypte. Veitzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de ce travail. Vegalti etrem bizroa notuya. Je vous délivrerai avec un bras étendu. Ou bishvatim gedolin, avec des grands miracles. Velakarti etrem nileam. Et je vous prendrai pour moi en tant que peuple. Donc en réalité, on a quatre leshonot ici, on a quatre langages qui représentent plus ou moins la même chose, mais c'est ce qu'on va un peu aussi élaborer un peu dans le cours. C'est quatre langages qui représentent Vehotseti, Vehitzalti, Vegaati, Velakarti, sur quoi on a la mitzvah non d'avoir quatre kosot. C'est bon, on continue ou la pizza ça. Hein bon. Continue. Une petite pause, pizza ou on continue? Vas-y. Excusez-moi. Ok. Donc ça, c'est qui ramène ça? Ça c'est le Midrash qui ramène cette explication. Et le Rashi lui-même, il ramène cette explication. En réalité, c'est l'explication la plus répandue par rapport aux quatre kosot. Bon, à vrai dire, dans la soirée de Pessah, dans le Seder de Pessah, il y a beaucoup de choses qui sont représentées par le chiffre 4. On a par exemple les quatre fils, on a les quatre questions, on a les quatre kosot. Il y a plusieurs choses qui représentent le chiffre 4. Évidemment, ils sont tous un petit peu reliés, mais ça ne veut pas être le sujet vraiment ce soir. Et surtout, on va s'arrêter sur les quatre kosot qui représentent les quatre leshonot de Géoula. La vérité, non. Pourquoi? Parce que. Il vient d'Israël direct. En plus, que je suis viande. Donc, heureusement que vous me demandez, je suis viande. Hein? Je suis viande, j'ai mangé la viande. Germanie. Non plus. Donc, toi et toi? Viande. Viande aussi. Bon, j'ai pas de clients aujourd'hui. On m'aurait dit qu'il y avait de la pizza, j'aurais vraiment la raison. Ouais. On va laisser la moitié de la pizza. Bon, est-ce que vous me dites s'il y a des choses que. Si vous avez des questions, c'est important de suivre le chiot bien depuis le début parce qu'après ça se complique un petit peu et ça serait. Pour bien suivre, il faut avoir bien compris. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. On a parlé des trois matzot qui représentent techniquement ce qu'on a besoin pour faire le lechem mishne et le lechem oni. Les quatre kosot que selon Rashi, ils représentent les quatre leshon de Geoula, les quatre termes que Dieu dit à Moshe pour lui dire qu'il va délivrer le peuple juif. Bon, sur ça, ça se complique un petit peu. Pourquoi? En fait, si on regarde le Mordechi, c'est un mefarech de l'Agmara. Donc, si vous prenez une Maseret Psachim, c'est en Perek Revi'i, je pense, je ne suis pas très sûr du date, je n'ai pas noté. Et vous verrez là-bas, dans le Mordechi, à la fin de la Gemara, et le Mordechi pose une question. Il dit, donc les 4 kesot, ils représentent la Géoula, c'est pour ça que c'est au chiffre 4. Mais en réalité, la Matzah, elle représente quoi? Elle représente aussi la Géoula. Le Mordechai ramène lui-même une Mishnah dans Psachim, mais que c'est une Mishnah qu'on lit nous-mêmes dans le Haggadah. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? On dit Matzah zo shanu ochlim, al-shuma, al-shum, shenigalu, avotenu minisraim. Nos parents, ils ont été libérés d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'on fait la Matzah. Et la question du Mordechai, c'est quoi? C'est si les Kossot qui représentent la Géoula, ils sont au chiffre 4, pour les 4 langages de Géoula, de délivrance, les Matzot, ils sont aussi connectés avec la Géoula, et ils devraient être aussi au chiffre 4. Je précise quelque chose. C'est qu'en général, le Seder, il représente la Yetziat Mitzrayim, n'est-ce pas? Quand on prend le Maror, quand on prend le Haroset, quand chaque chose, ça représente quelque chose dans l'Etziat Mitzrayim, le Korban Pessah, le machin. Mais dans l'Etziat Mitzrayim, dans toute l'histoire de l'Etziat Mitzrayim, il y a des choses qui représentent les 10 Makot, par exemple. Les 10 Makot, ce n'est pas la Géoula. C'est un détail, c'est un événement. Le Korban Pessah, ce n'est pas la Géoula, c'est le Korban Pessah. Le Maror, ça représente le travail. Chaque chose représente quelque chose. Et quand on parle de Kossot, là, ça représente vraiment la Géoula, c'est-à-dire le fait que les Juifs sont sortis d'Égypte. En fait, on sait très bien que la Matzah, ça représente autant, peut-être même plus que les Kossot. Parce que la Matzah, c'est là qu'on dit la Matzah, que les Juifs, ils ont sorti avec la Matzah sur le dos. Exactement. Alors, je comprends que la Matzah, il faut minimum 3 pour accomplir le Lechem Mishneh et le Lechem Oni. Ça, c'est pour un minimum. Mais on aurait dû mettre 4 matzot de manière à représenter vraiment la Géoula autant qu'on représente la Géoula à travers les Kossot. Excusez-moi. Ok, donc, ça, c'est la question du Mordechai. Il pose cette question, il dit, comment on peut on met 4 Kossot pour la Géoula. Mais pourquoi on aurait 4 pour la matzot? Parce que puisque la Matzah, elle représente la Géoula également. Ok, mais le premier soir, on a besoin de 2 pour faire le Lechem Mishneh, plus le Lechem Oni, ça fait 3. C'est vrai. Donc minimum 3. Mais on devrait faire une 4e. Pourquoi? Pour que la Matzah représente la Géoula. Ah, pour que les Arba Lechonot? Pour Arba Lechonot. Pour les 4 Lechonot de Géoula, on fait 4 Matzot. Ah, c'est-à-dire comme on a fait les 4 Kossot pour Abba Lechon de Goula, 4 Matzot pour les 4. Oui, mais parce que peut-être que les Matzot, elles veulent dire quelque chose en fait. Ah, c'est ça qu'il faut savoir. C'est le Mordechai qui pose la question. Ça n'a rien à voir avec le vers de Léonali. Non, le vers de Léonali, c'est autre chose. C'est le 5e vers, c'est un autre niveau. C'est aussi. Comment manger des 3 Matzot entières? Alors ici, on ne parle pas de manger des Matzot. Kazaï, parce que ce n'est pas obligé de manger. Par exemple, à travers le Seder. À la fin du CDR, si vous suivez bien l'ordre, ben, il va rester quand même pas mal de matzah qui va rester dans le plateau. Ici, il parle surtout par rapport au plateau lui-même, donc ce qu'on présente à table. Okay, quand on lit la Haggadah, on a devant nous le plateau. Les matzot qui représentent la Géoula, d'après le Mordechai, c'est cette Géoula-là doit être représentée au chiffre 4, parce qu'ici, il s'agit de 4 différents termes de Géoula. Ça, c'est une question du Mordechai. Et à cause de cette question, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit que non. Il dit pas que non, mais bon, moi je le dis. Il dit que Rashi, l'explication de Rashi n'est pas bonne. Il dit, l'ignorer, moi je pense que les Kossot, en vérité, ils représentent, les 4 Kossot, ils représentent les 4 fois dans le Navi où on dit le mot Kos. Dans le Navi, dans les Nevi'im, quand les prophètes ils prophétisent sur le Mashiach, sur la Géoula, pas de Mitzrayim mais de Mashiach, on a 4 fois le mot Kos. Une des 4 fois, c'est Kos Yeshua Tessa, Wishem Hashem Ekra, qu'on lit à l'Avdala tous les samedis soirs. Donc, Kos Yeshua Tessa, Hashem Ekra. Donc, ça, d'où ça vient? Ça veut dire quoi? Kos Yeshua Tessa, un verre de délivrance, je vais lever, ou Wishem Hashem Ekra, et je vais appeler le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le Mashiach va venir, on va avoir le verre de vin qui va représenter la vraie délivrance du Mashiach. Et puisque le Navi, il y a 4 fois le mot Kos à travers le Navi, bien sûr, on parle du Kos qui est relié avec la Géoula. 4 fois, on parle du mot Kos relié à la Géoula. Alors, le Mordechai dit, c'est pour ça qu'à Pessah, on a 4 Kossot. Chaque fois qu'on boit un Kos, en fait, il faut qu'on pense à ce passouk où il y a le mot Kos dans le Navi. Et donc, quelque part, on célèbre ici la venue du Mashiach. C'est plus trop la Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula future. C'est connecté, bien sûr, les deux. Parce que c'est écrit « Kimet, Tzitra, Meretz, Mitzrayim, Arinu, Niflaot », donc c'est connecté. Mais ça représente plus exactement la Géoula future, la délivrance future qui est représentée à travers ces quatre cossottes. Du coup, selon l'explication du Mordechai, notre question, elle s'en va, évidemment. Parce que quand on parle des cossottes, c'est uniquement par rapport aux cossottes qu'on va faire le chiffre 4, parce que le mot qui est répété 4 fois dans le Navi, c'est le mot kos, pas le mot matzah. Donc le mot kos qui est répété 4 fois dans le Navi, et bien là, quand on est au Seder, on a 4 cossottes pour représenter ces 4 mots. Kos. Salut, tout vient. Ça va? C'était ça? Mais quand il s'agit de matzah, rien à voir. Matzah, comme on a dit, on a besoin des 3 matzahs, c'est tout. Ok, donc ça c'est la réponse du Mordechai. Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est bien clair? Question, réponse. Évidemment, ça c'est la réponse du Mordechai, c'est une réponse qui est réservée à lui. Et nous, ce qu'on va essayer de chercher en fait ce soir, c'est on va essayer de chercher un peu plus profondément dans l'explication de Rashi, et dans l'explication un peu plus, parce que c'est l'explication la plus classique, comment on répond à cette question. Okay. Donc on a vu que le Mordechai, lui, il répond qu'en fait les kos, c'est par rapport aux kos, Yeshuat et ça qu'on retrouve dans le Navi. Mais qu'est-ce qui reste à savoir, c'est comment, d'après Rashi, qui explique que le kos, ça représente les 4 échelons de Geoula, donc pourquoi, quand on parle de Matzot, là, on n'est plus qu'au chiffre 3. Ok, donc ça va être un peu le... Et bien sûr, à travers cette question, on va découvrir un peu le message des Matzot et le message des kosot de Pessah. Et à travers ça... Et le Mordechai, il apprend quoi des matzot alors? Le chiffre 3 des matzot? Il dit 3, ça reste une question technique, comme on a dit. L'Echem Mishneh et l'Echem Oni. Mais après, kosot, kos, là, c'est représente le kos et je dis ça. Bon, c'est bon? J'ai une question. Oui. On dit que la matzah représente la Geoula. Mais la matzah, ça représente la Geoula future ou la Geoula qui est de Mitzrayim? La Geoula de Mitzrayim. Ça. Malgré que, comme on l'a dit, c'est connecté tout le temps. Parce que si on fait Pessah aujourd'hui, c'est pas pour célébrer la Yetziat Mitzrayim, mais c'est pour justement célébrer et activer l'avenue du Mashiach. Pour... Le kos, il représente plus le futur, les deux Geoulot. Chazak. Chazak. Donc ça, c'est par rapport au, ça, c'est par rapport à ce que dit le Mordechai. Exact. C'est ça. Donc ça, c'est, si on veut, c'est une première partie dans le Shiur. Ça, c'est une première partie dans le Shiur. Donc, si je résume là, cette partie-là qu'on a étudiée, allez, on va. Veuillez éteindre votre vos téléphones. Bon, alors ça, si on veut, c'est la première partie du shiur. Je résume en une phrase ce qu'on a vu. On a vu les 3 matzot, les 4 kossot. L'explication du Rashi, la question que le Mordechai pose contre Rashi et la réponse du Mordechai. Ok, donc là, on a, si on veut, on a 2 shitot, 2 avis sur les 4 kossot. Et nous, on va essayer un peu de s'approfondir sur l'avis du Rashi pour comprendre un peu, justement, quelle est la différence entre matzah et kossot. Et à travers ça, on va comprendre le 3 et le 4. Ok, en vérité, si je vous fais un petit plan global du cours, On va expliquer qu'est-ce que le chiffre 3 représente et qu'est-ce que le chiffre 4 représente. On va expliquer qu'est-ce que les 3 premiers psukim. Qu'est-ce que les psukim représentent? Oui, pardon. S'il vous plaît, on va continuer. À part que je suis Shliach à la Russie, je suis aussi je travaille à Yavne, vous devez connaître l'école Yavne. Vous êtes le directeur? Je suis directeur du secondaire et j'enseigne aussi. Ah, alors quand si j'étais dans un cours, j'ai pas mal d'élèves que j'aurais déjà puni là. Ah ouais? Ah, c'est pas alors. Je plaisante, je plaisante. C'est vous okay. Qui s'attaquez sur ma vie? Yavne, Yavne. Ces petits enfants, ils vont là. Oui? Bélicha, j'ai vu une femme. Bélicha? Yaakov Bélicha. Thierry. Ah, Thierry, ok. Son fils. C'est Yosef Bélicha? Yosef Bélicha, c'est mon maman qui vit. C'est son fils. Il était à Yavne. Il est Yavne, il est Yavne. Mais il y a là-bas. Il y a un autre? Il y a 3 autres qui vont là-bas. Vous arrivez, moi je suis au secondaire, alors je les attends. Je me prépare. Je les attends. Ok, donc maintenant, les détails qui nous restent à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le 3, ça représente quoi le 3, ça représente quoi le 4, ça représente quoi Matzot, ça représente quoi Kosot, ça représente quoi les 3 premiers psukim et ça représente quoi les 4 premiers, les 4 psukim. On va bien élaborer chaque chose à part. Et quand on va bien comprendre les choses, on va comprendre qu'en réalité tout se relie, tout s'explique. Et le plus important de tout ça, en fait, c'est de comprendre que dans la Géoula, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux dans la Géoula. Et un niveau qui se représente à travers le chiffre 3, un niveau qui est représenté à travers le chiffre 4. Et bien sûr, quand on a compris ces deux niveaux, après le travail, c'est de ramener ces deux niveaux à notre vie personnelle et pouvoir vivre un Pessah. Pas seulement en tant que spectateur et puis animer et s'amuser, mais aussi de prendre quelque chose qui va nous garder, si Dieu veut, pour le reste de notre vie. Alors, il faut savoir que, bien sûr, chaque lettre dans la Torah et chaque chose en général sont hyper précis. Et quand on parle des lettres, c'est le plus important, c'est ça qui forme tous les mots et toutes les phrases. Quand on parle de guillemets et d'alettes, c'est ramené dans la Gemara également. Gimel d'Alet, ça représente Gomel d'Alim. Gomel d'Alim. Gomel, qui vient du mot Gmil ou Trasadim, donc faire le bien. D'Alim, c'est Dal, le mot qui veut dire le pauvre. Donc faire du bien aux pauvres. Donc en vérité, quand on parle de Gimel et d'Alet, on parle, si on veut physiquement, c'est faire du bien aux pauvres. Donner à un pauvre. Quand on parle de donner à un pauvre, on parle de deux personnalités. Un qu'on va appeler en hébreu Mashpia, le donneur. Il y a un autre qu'on appelle en hébreu Mekabel, celui qui reçoit. Donc si on veut, c'est une personne qui donne à l'autre. Et c'est deux personnes, un qui donne, un qui reçoit. Ça c'est Gomel d'Alim. Gimel, ça représente celui qui donne. Dal, c'est le pauvre qui reçoit. Bon. Alors nous, on sait bien, c'est une phrase connue qui dit « En ani et la bedaat ». Il n'y a de pauvre, seulement celui qui est pauvre dans l'esprit. Quand on parle de pauvre, comme toute chose, on a le pauvre matériel, on a le pauvre spirituel. Spirituel, relativement spirituel. Et quand on parle de pauvre spirituel, on parle de pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui manque de connaissances. Et si vous voulez, c'est pas uniquement à travers des connaissances de Torah. En général, quelqu'un qui manque une connaissance, donc quelqu'un qui va apprendre à l'autre, un ça va être le donneur, l'autre qui va être le receveur, ça s'appelle Gomel d'Alim. Quand il est en train de donner à un pauvre dans l'esprit. Ok ? Chaque information, par quelqu'un, moi il y a une information qui me manque et je vais la demander à quelqu'un. Par rapport à cette information, je vais être appelé le pauvre et la personne qui me donne cette information va s'appeler le riche. Et lui, en me donnant cette information, il va faire Gomel d'Alim, donner à un pauvre une information pour le rendre riche dans l'esprit. Ok ? Donc, il ne s'agit pas de dire lui il est riche ou lui il est pauvre, mais l'action de donner. Ça, c'est une action, par rapport à cette action, relativement à cette action, eh ben, on a un riche et un pauvre, tout le temps. Ok ? Bon, retenez ça, et on va passer un peu plus par rapport au psukim. Après, on va relier ça avec le guimel et d'alet. Ok ? Donc, dans les psukim, on a 4 psukim différents, mais on a donc veotseti, veitsati, vegalti, velakarti. On sait bien que dans ces 4 psukim, ils ne sont pas tous à la même hauteur, parce que ça c'est ramené dans un livre du Ragat Shover, qu'en réalité, les 4 psukim, ils ne parlent pas exactement de la même chose. Quand on parle de Hotseti, c'est sortir d'Égypte, pas de question. Quand on parle de Hitzalti, c'est écrit, Etrem Avodatam, sortir du travail, Vega'alti Etrem, vous sauvez. Il y a 4 fois Etrem qui se répète dans les 4 psukim. Chazak. C'est les quatre vers de l'un. Donc là, on parle de sortir d'Égypte. Quand on parle du quatrième pasouk, si vous regardez bien le quatrième pasouk, il parle un peu de quelque chose de différent. Vela karti etrem, je vais vous prendre, li pour moi, les âmes en tant que peuple. Donc on parle plus d'une action de sortir d'une Égypte, de sortir d'une situation, mais on parle d'une deuxième action, c'est de rentrer dans une nouvelle situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est emprisonné, on va le libérer, ça c'est un. Et deux, on va le rentrer dans une nouvelle situation, sa nouvelle situation qui va être. Par exemple ici, quand on parle du peuple juif, en vérité, ces 4 psukim, ils réfèrent à... Les 3 premiers psukim, ils parlent de la sortie d'Égypte elle-même. Et le quatrième pasouk, il parle plutôt du jour où le peuple juif est devenu vraiment le peuple d'Hachem. Qui représente quel jour? Shabbat. C'est quand que le peuple juif il est vraiment devenu le peuple d'Hachem? Chazak, Matan Torah. Il y en a un qui s'y Chazak. Donc en vérité, nous on sait bien. On sait bien d'ailleurs, Moshe lui-même, quand il a été voir Paro, il a dit, libère mon peuple, parce qu'on va aller servir Dieu à la Harazé sur cette montagne, sur Arsinaï. Donc on sait bien que la sortie d'Égypte et Matan Torah, en fait, représentent une même, c'est la même chose, c'est presque la même chose, c'est une continuité. Mais dans la sortie d'Égypte, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où le peuple juif sort d'Égypte, après il est dans le désert, il est perdu, il n'a rien. Et à le deuxième niveau, quand là, il devient le peuple. Lilé Amata Bechartanu, tu nous as choisi comme peuple. Le jour de Matan Torah. Une grande différence qu'il y a entre les deux. Une très grande différence. C'est quoi? Mais énorme. Le peuple juif, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit qu'ils étaient dans les 49 degrés de Touma. Est-ce que ça, c'est avant Matan Torah? C'est avant. C'est avant. C'est avant. Combien de temps avant? 200 ans. Non. 40 jours avant. 40 jours avant. J'ai une petite question pour les piquer. 49 jours avant. Dieu, il a sorti les Juifs d'Égypte. Et pendant 49 jours, ils ont marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait 49 jours? Ils se sont préparés. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on fait la Sfirat HaOmer. Alors, j'ai une question, je m'excuse. La carte Yétrène, Lila, ça veut dire 49 jours avant. Dieu le savait que ça va être le peuple choisi. Quand Dieu il a... Oui. Ça veut dire que... Mais tout à l'heure, quand est-ce... La question elle a été posée tout à l'heure que le peuple a été... Quand est-ce qu'on a su qu'on a été le peuple choisi? Mais maintenant, Torah. Moshe Rabbeinu, comme j'ai dit, quand il a été voir Paro, il a dit, il faut que les Juifs sortent parce qu'ils doivent recevoir la Torah. C'est-à-dire que Moshe lui-même, déjà, il avait annoncé que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. D'ailleurs, quand on lit la première des Aseret HaDibirot, tout de suite, le Rashi dit, maintenant que je t'ai sorti de la servitude de l'Égypte, ben maintenant tu vas devenir mon serviteur, si tu veux. Mais quand même, dans le temps, il y a 49 jours de différence, et pas seulement dans le temps. Il y a quelque chose de très important qui se passe entre les deux. La sortie d'Égypte, les peuples juifs, ils étaient à un niveau très bas, 49 degrés de Touma. S'il était resté un camp un petit peu, peut-être qu'il aurait pu sortir. Le peuple juif est sorti Bechipazon, très vite. Le Zohar, il dit pourquoi très vite? Parce que tellement qu'ils étaient bas dans la Touma, il fallait que ça soit vite. C'est comme, il y a le feu. Tu dis pas, il y a le feu, attends, voilà, j'ai encore 10 secondes, ok, je... Non, jusqu'à je te sauve. Jusqu'à qu'ils ont fait le Boudor. Razak, on y arrive. Ouais. Ils se sont sauvés. Ils avaient la Touma tellement... Ils sont sortis à Khatsot. Après Khatsot, on commence une autre journée. Là, ils rentrent de la Touma complètement. Khatsot, c'était la limite. Donc, ça veut dire que quoi? Ils auraient dépassé le minuit parce qu'ils sont sortis à Khatsot. C'est écrit pourquoi? C'est-à-dire que... Et de justesse. C'est-à-dire que le peuple juif, il était lui-même à un niveau très très bas. Quoi? 50 degrés de Touma, c'est fini, on peut plus sortir. Oui. C'est comme ça que c'est écrit dans les sphères. Mais qu'est-ce que 50 degrés, ça veut dire quoi? 50 degrés, c'est comme... Tu n'as plus rien. Je te donne un exemple. Bon, je ne vais pas donner d'exemple parce qu'on va sortir complètement du sujet. Ouais. Après, j'explique ça. Alors, le peuple juif, il était dans un niveau très bas. 49 degrés de Touma. Ils ont dû sortir en courant, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas réfléchi, il n'y avait pas une réflexion de leur part. Dans la Kabbalah, on appelle ça Itaruta Dil'Ela. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Itaruta Dil'Ela et Itaruta Dil'Data. Itaruta dil'ela, c'est en araméen, mais en hébreu c'est itorerut milmala. En français, un réveil d'en haut. Un réveil d'en haut. C'est-à-dire, tout a été fait par en haut. Le peuple juif lui-même, il n'a rien fait. Il était là, et Dieu, il a dit, maintenant, je me dévoile et je vous fais sortir. Sortez vite, y a pas, vous n'êtes pas conscient, vous pouvez pas intégrer c'est ce qui se passe, c'est pas pour vous. C'est comme des pions. Vous prenez, paf, vous bougez les pions. Matan Torah, c'est presque le contraire. Le peuple juif, il est sorti d'Égypte. 49 jours, il s'est préparé. Chaque jour, il a remonté un degré de Touma. Il a remonté un degré de Touma et il a acquis un degré de Kdoucha. Un degré de Touma, tac, tac, tac, ils sont arrivés au 49 degrés de Kdoucha et Matan Torah 50. C'est des Sharabina, on dit c'est Moshe Rabbeinu, c'est un grand niveau. Ça veut dire que le Matan Torah, le peuple juif s'est préparé pour avoir Matan Torah. Il y a eu un travail de la personne. Dans le Kabbalah, on appelle ça Itaruta Diltata, c'est un réveil d'en bas. C'est-à-dire qu'on fait un effort d'en bas et on a un résultat qui vient après. Je vous la question. Des fois, je me pose la question, parce que souvent on a parlé de ce 49 degrés de Touma que les Hébreux ils ont acquis. Mais des fois, on se contredit. Pourquoi on se contredit? Parce qu'on dit que. Comment les Hébreux ils ont gardé leur identité? Parce que comment on le sait? Ils ont gardé d'abord par leur nom, ils ont gardé par leur dialecte, parce qu'ils parlaient pas la même chose que les Égyptiens, et ils ont gardé par leurs habillements, par leurs vêtements. Alors des fois on se trompe, on se contredit. Je sais qu'on parle toujours de 49 degrés, mais comment à ce moment-là on dit qu'ils sont arrivés au 49 degrés, étant donné qu'ils sont restés 210 ans comme esclaves, ils ont quand même gardé leur identité, ils ont gardé leur nom, qui est très très important. Ils ont gardé leurs vêtements, leur vestimentaire, par rapport aux Égyptiens. Et on dit malgré ça qu'ils ont atteint un 49 degrés. Bon, c'est sûr que ces trois choses, c'est des choses très très importantes. Mais si on regarde, si vous réalisez un peu, il y a quelque chose de commun dans ces trois choses. C'est que c'est des choses qui sont un peu extérieures à la personne, qui sont un peu superflues. Évidemment, dans la Torah, on dit que certaines choses qui ont l'air superflues, en vérité, c'est des choses qui sont le plus profond. Et justement, ça répond à cette question. Parce que en même temps, dans l'action, c'était des choses très superflues. Les habits, le nom, la langue, ça représente pas grand chose pour une personne. Mais en même temps, ces choses-là, ils sont connectées. C'est pas du tout superflu, ils ont gardé leur culture, ils ont gardé. Il n'y avait pas de Brit Mila. Ils ont gardé leur héritage. Non, ils se sont pas mélangés tellement. Ils avaient des idoles, ils ne sont pas mélangés tellement. C'était quasiment idolâtre. Ce qu'il y a, c'est que. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de rabaisser les Juifs d'Égypte. Mais bon, on va dire, ces trois niveaux, ces trois choses-là, ça peut être les trois choses qui sont représentées par le 50e niveau, si on veut. C'est-à-dire, s'ils étaient arrivés au 50e niveau de Touma, ça aurait été ces trois choses qui seraient aussi parties. Et là, il n'y a plus rien à faire. Ces trois choses, c'est les trois choses qui ont gardé connectées à ne pas atteindre ce 50e niveau de Touma. Mais c'est à un certain niveau. Il y a un débat là-dedans, parce que quand on réfléchit aussi, il y a plusieurs choses que les Hébreux ont fait, les Juifs ils ont fait. C'est que quand on voit par exemple, leur dieu qui était le mouton, c'est bien qu'ils ont fait quelque chose. Le veau, c'était leur dieu. Ils ont fait le corban, ils l'ont égorgé devant les Égyptiens. Alors, c'est sûr que disons peut-être que chez nous, le degré de Touma, il est plus important que. Ils ont fait pratiquement ce que les Goïms faisaient. Emouna, j'écris ma minime. Mais pourquoi tu les avais? Il y avait la Emouna, ouais. Bah, ils avaient la Emouna. Le degré de Touma, on parle pas de physiquement. Mais en même temps, le physique, si la Torah ramène ces trois choses, c'est qu'il y a, c'est connecté au spirituel quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, comme aux États-Unis par exemple, vous pouvez avoir des. Comment on les appelle dans la Torah? Qu'ils ont des religieux, dans les réformes. Exact. Donc, il peut avoir le nom. Le nom, la Brit et la vie, mais c'est les Goths. Donc, ça, c'est de tout le monde. Je suis ça. Ouais. En tout cas. J'ai pensé à ça, Ibrahim contre. Je vais ramener quelques petits exemples pour bien comprendre ce concept de Itaruta Dil Ela, Itaruta Dil Tata. À savoir que ça, c'est un concept très, très discuté dans la Kabbalah et dans la Chassidut. Et c'est un concept qui peut s'appliquer pas seulement dans la Torah, en fait. C'est pas seulement un concept kabbalistique, c'est une personnalité, c'est des caractères qu'on peut retrouver chez les gens. En général, on va prendre un exemple dans la vie. Qui est simple, après on va essayer de retrouver ça dans la Torah et dans le judaïsme. On va prendre un exemple de la différence entre Et on a deux personnes. Les deux, ils ont un chèque de 10 000 dollars dans les mains. Ok ? Quand un qui a 10 000 dollars dans les mains, bon, normalement, il devrait être content. Ok ? Donc les deux, ils ont un bon sourire au visage, ils sont heureux. Bon. La différence, c'est qu'il y en a un, pour avoir ses 10 000 dollars, il a travaillé 3 mois, jour et nuit, comme un fou. Il a gagné 1 000 chaque semaine et machin et truc. Au bout de 3 mois, tac, il a eu son 10 000 dollars. Et... Puis il y en a un, il a passé 3 mois à tourner, à rigoler. Après, il s'est rappelé qu'il y a la banque qui l'appelle et tout, il a besoin de 10 000 dollars. Allô papa, qu'est-ce qu'il y a? Écoute papa, j'ai un grand problème, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de 10 000 dollars pour demain. Ça va mon fils, t'inquiète pas, je t'envoie ça. Le père, gros blindé, il n'y a pas de problème, ça prend les 10 000 dollars. Bon, les deux, ils ont 10 000 dollars en main, les deux, ils sont contents. On sait bien qu'en vérité, si on prend une photo au moment où ils reçoivent les 10 000 dollars comme ça et on les met à côté, on les compare, on va voir une grande différence. On va voir qu'il y en a un qui a un sourire qui est un peu extérieur. Un sourire qui représente la joie, mais très momentanée. Une joie qui ne va pas durer très longtemps. Contrairement à l'autre, on voit qu'il y a un sourire qui est peut-être physiquement pas très très élargi, mais intérieurement qui représente un bonheur, qui représente un attachement, qui représente une satisfaction. Et ça c'est le vrai sens de la joie. Pas d'être content, d'être excité d'avoir quelque chose, mais d'avoir une vraie satisfaction de ce qu'on fait. Et en vérité, à travers cet exemple, c'est un exemple très, très facile à comprendre le concept de Itaruta dil Ela et Itaruta dil Tata. Itaruta dil Ela, ça représente un réveil d'en haut. C'est-à-dire, c'est comment nous, on n'a pas fait grand-chose, et Dieu, il nous emmène, paf, il nous fait réagir des choses que nous, on n'a pas travaillé pour. Et après, on a Itaruta dil Tata, c'est-à-dire quelqu'un que pour arriver à où il est arrivé, il a dû travailler. J'ai ramené un exemple, on peut retrouver ça dans les gens qui font Teshuva. On va trouver des gens que d'un jour à l'autre, ils font Teshuva comme ça, tac, ils ont un réveil, il faut faire Teshuva, ils font tout, d'un jour ils font Shabbat, la kippa, les tefillin et tout machin en un jour. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas eu de gros réveils, mais ils étudient, et petit à petit, ils font un peu plus. Et... Entre les deux, évidemment, ces deux, ils sont indépendants. Il y a des gens qui passent à travers cette expérience, d'autres qui passent à travers cette expérience. Mais l'expérience, dans chacune des deux, il y a une supériorité qu'il n'y a pas dans l'autre. Dans Itaruta dil Ela, un réveil d'en haut, on a la supériorité, c'est que le réveil, il est très flagrant, il est très puissant, il est très fort. Le père, dans l'exemple, le père qui est très riche, il au lieu de donner 10 000, il peut donner 100 000. Il n'y a pas de différence pour lui, il a des millions, des milliards. Donc on peut avoir beaucoup plus. Mais ça manque cet attachement qu'on a avec le résultat. Contrairement à la personne qui a Itaruta dil Tata, c'est un travail de lui-même, il va aller petit à petit. Donc ce qu'il va recevoir, c'est vraiment comparé avec ce qu'il a travaillé. Mais à chaque étape qu'il va faire, chaque pas qu'il va faire, c'est un pas qui va s'imprégner à lui-même et qui va devenir une seule chose avec lui-même. Il va vraiment s'attacher à ça, ça va lui rester toute sa vie. Donc, dans chacun, il y a une supériorité. On ne peut pas dire un, c'est mieux que l'autre, ou c'est mieux bien. Dans la Teshuvah, c'est ramené, par exemple, dans le Midrash, c'est ramené que tous les jours, au Har Sinaï, il y a une voix, un bat kol, une voix qui crie et qui dit... mes enfants juifs, revenez bitchouva, faites teshuva. Ça vient de la Gemara. Puis la Kabbalah, elle pose la question, elle dit, mais ça sert à quoi qu'une voix, elle crie toute la journée si personne l'entend? Tu n'entends pas, moi j'entends pas, peut-être quelqu'un l'entend ici, mais pas moi. Ça sert à quoi alors si ça crie toute la journée, faites teshuva et on n'entend pas? Et c'est répondu, la réponse elle est comme ça, c'est qu'en fait, si nous on n'entend pas, la Neshama, elle entend. Et alors? La Neshama, on sait bien qu'une personne a son gouffre, son corps et sa Neshama en lui. Mais sa Neshama qui est en lui, c'est pas ça toute la Neshama. La majorité de la partie de la Neshama, elle n'est pas dans le corps, elle est attachée à Dieu. Elle est au-dessus du corps. Cette Neshama qui est au-dessus du corps, à l'extérieur du corps, elle reçoit les appels, elle reçoit les ondes. Faites teshuva, faites teshuva, faites teshuva. Et puis cette Neshama, elle envoie des signaux. Ce qui fait que des fois, quelqu'un il est comme ça, il est assis. Après un moment, il dit « Oh, j'en ai marre, je veux faire teshuva. » Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne t'a rien dit, personne ne t'a rien fait. Qu'est-ce qui y a? D'un coup, tu veux faire teshuva, tu es devenu fou. Pendant 10 ans, tu as vécu... moi, j'ai une histoire, bon, je vous raconterai après. Mais Alors les psychologues, je peux vivre des choses comme ça. Des gens que pendant des années, je les appelle, ils répondent jamais. Et puis un jour, ils m'appellent, ils me disent ah, je veux mettre les téphilines, viens, on fait un rendez-vous. Je dis, mais dis-moi, ça fait 2 ans que je t'appelle tous les mois, tu me mets sur le message et tu me rappelles pas. Qu'est-ce qu'il y a, ben, tu veux mettre les téphilines. Il n'y a pas de raison. Un réveil, Itaruta Dilela. Puis Itaruta Dilela, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est là, qui s'intéresse, il vient un chiot, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Deux semaines après, il trouve ah, un truc, ah, qu'est-ce que c'est, les tzitzites, ok, là, le truc, machin, ok, un petit Shabbat, un repas, là, comme ça, allez, doucement, doucement, doucement. Et puis, ça peut prendre des années, jusqu'à ce qu'il vraiment il atteint quelque chose. Et en réalité, on retrouve ces deux aspects dans la Yetziat Mitzrayim. C'est deux geoulas différentes. C'est deux geoulas différentes. Une geoula, une délivrance, Dieu il arrive, paf, paf, il nous sort. On n'a rien fait, on est à dedans, tac, on est dehors d'Égypte. Itaruta dil Ela total. Deuxième geoula, pendant 49 jours, on travaille, on travaille, on travaille. Bien sûr, c'est beaucoup, 49 jours, on travaille, c'est du vrai travail que les Juifs l'ont fait avec Moshe Rabbeinu, chaque seconde, je ne sais pas, ils ont un peu fait un petit chiour à droite à gauche, c'est du travail intensif, 49 jours. Et là, ils arrivent à Matan Torah, ils reçoivent la Torah, ça c'est le deuxième niveau de Geoula. Deuxième niveau de Geoula, quand les Juifs, ils imprègnent cette Geoula, quand ça devient leur Geoula à eux. On va garder ça en tête, et on va revenir sur le concept de Gomel d'Alim. Et là, je vais ramener aussi quelques petits exemples. Après, on va connecter ça à la Geoula d'Égypte. Gomel d'Alim, c'est bon là pour l'instant ? Oui. Okay. Gomel d'Alim, on a dit c'est quoi ? C'est donner aux pauvres. Ça peut être physiquement, mais surtout spirituellement. Enani et la Bédat. Il n'y a de pauvres que dans l'esprit. C'est quelqu'un, il lui manque une information, on lui apprend. Okay. Ça peut être dans la Torah, ça peut être en science, en différentes choses. Okay. Maintenant. Gomel, c'est la personne qui donne, et Dal, c'est la personne qui reçoit. Gomel, c'est Kelet, c'est Gimel, c'est 3. Dalet, c'est 4. Dalim. Bon. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Gomel, c'est 3, et Dalet, c'est 4. Et en fait, c'est ramené aussi dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, que dans le. Et c'est quelque chose de physique, enfin, pas physique, mais biologique, on va dire. Quand une personne, elle doit transmettre une information, il y a 4 étapes. Il y a un processus qui se passe à travers l'information qui prend 4 étapes. Donc le but, c'est quoi ? C'est moi, j'ai une information chez moi, je veux la donner chez toi. Je transmets chez moi, chez toi. Cette information, pour aller d'un cerveau à l'autre, elle traverse 4 différentes étapes. C'est des transformations, en vérité. On va donner un exemple. On peut faire un chiour Torah. Allez. Maintenant, Pinto, il m'appelle, il me dit, voilà, il y a un chiour, il faut que tu fasses un chiour. Ok. Première chose qu'on va faire, dans n'importe quelle situation, alors, dans le cerveau d'une personne, il y a une multitude d'informations. On va choisir quelle information on veut donner. Bon, là, on dit, bon, c'est Pessah, on va faire sur Pessah. Pessah, il y a plein de choses, la moelle, la chotte, les machins, les trucs. Bon, on va choisir sujet, 3 matzot, 4 kosot. Donc ça, c'est la première étape, c'est quand on choisit le sujet duquel on veut parler. Donc si on veut, c'est comme si sur une table, il y a plein de choses, et moi je dis, bon, hein, moi je veux la pizza. Je prends la pizza. Dans le cerveau, il y a plein de sujets. On dit, un sujet, je prends. Bon, maintenant, le professeur, lui, son niveau de compréhension, si on l'évalue à, je sais pas, une intensité, il est au niveau 100. Il doit donner cette information à des élèves, à une personne qui reçoit. Il doit développer cette information et pour qu'elle puisse être transmise. Ça ne suffit pas juste d'avoir l'information, je la donne telle qu'elle, le gars est là, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors on prend ce lignan, là, ce sujet, et on le développe dans ma tête. Comment en faire un cours ? Ça veut dire comment transmettre cette information d'une manière que les personnes ils vont comprendre ça. Donc, c'est une deuxième transformation que la réflexion prend. Okay ? Donc, première transformation, on la retire de la multitude d'informations. 2, on la développe. 3, on la transmet. C'est encore une autre transformation. Pourquoi c'est une autre transformation ? Parce qu'il y en a ici dans cette salle qui enseigne. Peu importe dans quel vous êtes chef d'entreprise, certains, vous devez faire des petites remises au point avec les employés, etc. Vous savez bien que quand vous parlez, et ben ce que vous dites, c'est pas toujours exactement ce que vous avez prévu de dire. ce serait ridicule de prévoir et d'arriver et de dire texto. On ajoute toujours quelque chose. Ou on manque. Sur place. On manque. Voilà, on improvise. J'avais pas prévu de truc, mais je, par rapport au, soit au regard de mes interlocuteurs, soit aux commentaires de mes interlocuteurs, si je vois qu'ils s'endorment un peu, je donne une information un peu puissante, ça les réveille. Si je vois qu'ils sont excités, hop, je. Ok, donc, au moment où on transmet, c'est une autre transformation. C'est quelque chose d'autre qui se donne que ce qu'on a prévu. Et ça, bon, moi j'enseigne, dans l'enseignement c'est le plus classique, je prépare un cours, à la fin, 90% des fois, le cours que je donne, c'est presque rien à voir à ce que j'ai préparé. C'est complètement différent. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis la quatrième étape, c'est la réflexion, l'idée qui est rentrée dans le cerveau de la personne qui prend encore une autre transformation. La preuve. Comment il la voit, lui aussi? Khaled, si vous faites une conférence, il y a 100 personnes, à la fin vous dites bon, je vous donne 10 minutes, vous m'écrivez la conférence sur papier. La compréhension de chacun. Voilà. Chacun va écrire quelque chose d'autre. Chacun a compris différemment. Mm-hmm. Ça rejoint l'idée, évidemment, l'idée centrale. Mais c'est une transformation dans cette idée qui va, si cette personne elle va répéter à quelqu'un d'autre, ça risque de. Il a retenu une chose, ça va être différent. Ça va pas être faux, il va pas transformer négativement, il va juste transformer positivement à sa manière, comment il lui comprend. Donc on voit comment dans une situation de gomen d'alim, une situation où une personne elle donne une information, et ben il y a quatre étapes. Les trois premières étapes, ils impliquent uniquement le donneur. On est d'accord? Je choisis mon sujet, je le développe, je le donne. Pour l'instant, c'est l'information, comment elle est par rapport à moi. La quatrième étape, c'est comment le receveur, il reçoit. Donc, ça implique le receveur. Si on veut les trois premiers niveaux, eh ben, le focus, l'attention, elle est sur le donneur. Le quatrième niveau, toute l'attention, elle est au receveur. Ce qui explique que Gomel, c'est au chiffre 3, celui qui donne. C'est trois niveaux chez le donneur. Dalim, le pauvre, celui qui reçoit, il a le niveau 4. Bon, et là on explique très bien que quand il s'agit de la sortie d'Égypte, on a dit il y a deux Géoulas. Je suis en retard? Non, je n'ai pas vu l'heure et je ne sais pas à quelle heure il faut. Il m'a dit à quelle heure on commence, je ne m'ai pas dit à quelle heure on finit. 9h? Ben, on ne pourra pas finir. Non, désolé, non, les gars. Non, mais attends. Tant pis. Non. Mais tu as encore pour combien de temps, oui. Ok, on va voir. Je finis ça et après je vous dis combien de temps il reste. Ok. Ok, donc on disait que quoi? Que dans la Géoula de l'Égypte, il y a deux Géoulot. Il y a deux niveaux de la Géoula. Il y a une première Géoula qui concerne seulement Hachem, Dieu. Qui concerne seulement Gomel, celui qui donne. C'est Hachem qui fait tout. Dans ce premier niveau de Géoula, il y a seulement trois fois le mot « je vous sors ». C'est-à-dire que si on veut, c'est trois niveaux dans la Géoula, mais chez le Gomel, chez celui qui donne. Trois niveaux qui concernent Dieu. Les Juifs, pour l'instant, ils ne sont pas prêts, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien, ils ne sont pas impliqués. Si tu veux, c'est des pions. Ils ne sont pas actifs dans la Géoula. Et le quatrième niveau, ça c'est le deuxième, le quatrième Lachon de Géoula, c'est le deuxième niveau de Géoula qui représente Dalim, où là, le peuple juif qui est représenté ici dans le Dal, le pauvre, donc celui qui reçoit ce que Hachem y donne, et bien lui, là, il s'implique à travers les 49 jours de préparation. Là, on met l'attention sur lui. Ce qui explique maintenant cette différence dans les quatre les chemins des Goulas. Bon, là, on a... je pense qu'on est à 86% du cours. Du cours 86%. Il reste 14%. Ah, ça va alors. Le téléchargement. Le téléchargement, on est à 86%. En général, les derniers pourcentages, ça va très vite. Ou s'il y a un petit bug, au 99, ça reste là-bas toute la nuit. Bon. Non, ça va pas être long. Bon, maintenant qu'on a bien compris le concept du 3 et le concept du 4, on a bien compris que les 4 léchenotes de Goula, en fait, c'est pas 4 léchenotes de Goula, c'est 3 léchenotes qui représentent Dieu, donc le peuple juif qui est pas trop impliqué, et la quatrième qui représente l'ensemble. Là, on va comprendre très facilement le sujet de Matzot et de Yahid. On le voit aussi dans le Matan Torah. Il l'a donné, on l'a reçu. Chazak, aussi les deux. Mais. Attention, il ne faut pas oublier, comme il dit notre cher Einstein, tout est relatif. Mm-hmm. C'est ici, on parle relativement, parce que après, dans une photo un peu plus large, on va voir comment même Matan Torah, c'était plutôt par devant. Par, bon, il y a une certaine relativité ici. Mais à mon avis, dans celui, c'est-à-dire, je me refais de donner la Torah. Et celui qui l'a reçu, il est beaucoup plus important. Parce que celui qui la reçoit, il doit exécuter la Torah. C'est lui qui a la force, c'est lui le moteur finalement. C'est lui qui a le quotidien tous les jours pour l'exécuter. Exact. Alors, dans un cas comme ça, le receveur, il est plus important. Mais ils l'ont vraiment accepté pendant Purim, n'est-ce pas? Strazak, c'est pour ça que là aussi. En attendant Torah, ils avaient peur. Ils l'ont accepté, mais ils avaient pas le choix. Vraiment, Kimo et Kiblo, c'est vraiment un pourri. À travers mes séries de fêtes. C'est ça. C'est vrai. Ok. Alors maintenant, on va terminer en expliquant le concept de Matzot et de Yaïn. En fait, c'est très simple. Si on a bien compris jusqu'à maintenant, Matzot et Yaïn, ça coule comme de l'eau. Matzot, c'est quoi? Matzot, c'est plat. C'est sec. Il n'y a pas de goût. C'est l'echemoni, c'est quelque chose de pauvre, c'est quelque chose. C'est vrai que ça représente la geoula. Matzazo shanochli malchum shenigalu avotenu mitzrayim. Mais la matza elle-même, elle représente la pauvreté. Donc ça représente comment le peuple juif, ils sont dans un niveau où ils n'ont pas, été impliqués dans la sortie d'Égypte. Donc si tu veux, c'est comme on a dit dans l'exemple du 10 000 dollars. Le gars, il a 10 000 dollars en main, mais en fait, il est pauvre parce qu'il n'a rien fait. C'est un cadeau, c'est même pas lui ces 10 000 dollars. Si on veut, ça ne t'appartient pas. Donc toi-même, t'es une matza, t'es rien, t'es plat, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de geschmack, il n'y a pas de kiff, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de satisfaction. C'est vrai que c'est une gueule, hein. Je ne veux pas dire que les juifs, ils étaient délivrés. Mais ils étaient délivrés à un niveau, itamutadil, et là, sans geschmack, sans plaisir, sans satisfaction. Donc ils ont été délivrés à un niveau de matza. Matza. Seulement trois premiers niveaux, seulement trois matzot. Quand tu parles de vin, hein, tu parles de royauté, tu parles de plaisir. Le goût, l'odeur, de simcha, tu parles de quelque chose où tu es dedans, tu es impliqué. À ce moment-là, quand on parle de yayin, on parle d'un vin, on parle d'un niveau des geoula, où le peuple juif, il a été actif, il a une certaine, un plaisir à cette geoula. Ça, c'est représenté à travers le vin, à travers les quatre costades de vin, qui représentent comment justement la geoula, elle a un niveau plus avancé que le matza. Donc si on veut matza et yayin, les deux, ils représentent la geoula. Mais la matza, elle représente le niveau de Géoula quand les juifs, ils sont toujours à un niveau matza, c'est-à-dire il n'y a pas de goût, c'est un peu fade. Donc, c'est seulement les trois premiers niveaux de Géoula, quand Hachem, il fait tout. Et nous, on est là, on reçoit. C'est très bien, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est un premier niveau seulement. Quand on arrive à Yayin, là, on parle de quatre kosotes. Quatre kosotes qui représentent le deuxième niveau de Géoula. Donc là, en vérité, on a répondu, on a expliqué tout le sujet de Guimel Kosot, de trois matzot et quatre kosot. Malgré que matzah et kos, les deux, ils représentent la geoula, mais on parle d'un différent niveau de geoula. Le niveau de geoula de matzah, c'est un niveau qui se représente à travers le guimel, le 3 gomel. Et puis les kosot, c'est là que le yayin, le vin, ça représente la geoula la plus haute, qui est représentée à travers le dalet d'Aline, c'est-à-dire que même le receveur, il est impliqué et il s'implique pour ça. Même pour faire le vin, il faut le travailler, c'est-à-dire. Juste, et en plus pour le vin, Khazak, alors que la matza, tiens, tu vois, il m'a rajouté la matza, ça doit être très vite, en 18 minutes. Et c'est un sujet, vin, comment tu dois travailler le minimum pour l'avoir. Exactement. Et alors que le vin, tu fermentes et tu machins. Et ça, c'est un point intéressant. Un point intéressant. Et j'aimerais terminer avec. Tu vois, tu m'as rajouté un petit détail. J'ai fait ce show à la Rive Sud, mercredi, pour les Juifs de Brossard, de la Rive Sud. Et il y en a un, il m'a rajouté aussi un petit point intéressant. Tu vois, mon cours, il s'élabore, il se développe petit à petit. Il a rajouté un point intéressant. Il a dit qu'on retrouve le 3 et le 4 à travers les 3 Avot, et les 3 Imaot, et les 4 Imaot. Il m'a demandé quel rapport. C'est vrai, hein. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit qu'en vérité, au contraire, ça marche très bien. Pourquoi? On sait bien que Avot et Imaot, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept de Kabbalah, Chochma et Bina. J'ai déjà étudié ça, je suis sûr. Chochma, on dit que ça représente une personne, quand elle réfléchit, elle a un éclair. Quelque chose qui, tu sais, tu cherches quelque chose, tu cherches une idée, et hop, il y a une idée qui te vient en tête. D'où elle vient cette idée? Elle vient d'un niveau plus haut de Chochma, Mais si tu veux, tu n'as rien fait. C'est un, comme un cadeau que tu reçois. Et puisque les Avot, donc Av, on a dit Avot, Av, ça représente Chorma. Chorma, c'est le niveau, si on veut, Gomel, où toi, tu ne travailles pas vraiment. Ça donne 3 Avot, le niveau de 3. Imaot, c'est M. On sait que M, c'est Bina. Bina, c'est le développement. C'est-à-dire que maintenant, tu as reçu ce petit cadeau, tu le développes. Tu le développes, tu travailles, tu comprends les petits coins, les machins, trucs. Ça, c'est Bina. Ça, c'est M, c'est la mère, c'est les 4 Imaot. Alors ça, je l'ai pas vu écrit quelque part, mais à travers le cours, j'ai pu développer ça. Et pour terminer, en vérité, le plus important, on a vu que dans les Tarouta d'Il Ela, il y a une supériorité. Et dans les Tarouta d'Il Tata, il y a une supériorité. Dans les deux, il y a une supériorité. En fait, le troisième niveau qui va au-dessus du niveau 1 et 2, il y a un niveau troisième qui est plus haut que tout ça, c'est quand on combine les deux. On a dit que les Tarouta d'Il Ela, c'est la supériorité qu'on peut avoir un cadeau très grand qui n'est pas à notre hauteur. Mais c'est pas à nous. Itaruta Itada, c'est que tout ce qu'on a, c'est à nous. Mais en fait, il y a un niveau encore plus haut, c'est qu'on a un cadeau très grand qui est à nous. Et comment ? Ça, c'est quand nous, on fait tout ce qu'on peut à travers notre possibilité, et Hachem, il nous emmène la bracha. La bracha, elle est beaucoup plus grande que ce que tu as travaillé. Le gars, il fait un business et tout, waouh, et ça marche. Oui, mais toi, c'est rien. Toi, t'as juste fait le petit pas. Dieu, il t'a mis la bracha que tout, tu reçois plein de brachot. Ça, c'est des brachot. C'est des choses qui sont bien plus loin que l'effort que t'as fait. Mais t'as fait ton effort derrière. Et ça, c'est en hébreu, on appelle ça yagata ou matzata. Tamin. Vous connaissez cette phrase? Yagata, tu t'es fatigué. Ou matzata, et t'as trouvé. On pose une question. T'as pas trouvé. Tu t'es fatigué, t'as reçu. Comment trouver? Trouver, c'est quand tu cherches pas. Quand t'es là, je marche dans la rue, hop, je trouve 100 dollars. Ça, c'est trouver. C'est le mot metzia, trouver. D'ailleurs, la Gemara, Baba Metzia. Le metzatia. J'ai trouvé. T'as pas cherché pour trouver. Tu connais quelqu'un qui cherche une perte? Je cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche quelqu'un peut-être qui a perdu 100 dollars et peut-être je vais le trouver. Ça marche pas. Un peu fou. C'est quoi Yagata ou Matsata? C'est que moi, j'ai cherché. Et puisque j'ai eu un retour, c'est tellement plus loin que ce que j'ai vraiment cherché, que ce que je me suis vraiment fatigué pour avoir, que ça s'appelle une netzia, une trouvaille, comme si que j'ai rien fait, parce que relativement à ce que je reçois, c'est énorme. Et ça, c'est la combinaison de Itaruta d'Il Tata, Itaruta d'Il Ela, Itaruta d'Il Tata ensemble. C'est-à-dire que moi, je fais mon effort, et Hachem, en échange, il m'emmène la bracha, qui est bien plus grande que l'effort que j'ai fait. Et ça, c'est peut-être un message qu'on peut tous avoir en garder en tête. Que premièrement, on a toujours tendance à penser que tout ce qu'on a, en fait, c'est le résultat de ce qu'on fait. Mais il faut savoir que c'est la bracha de Dieu. Et que c'est ça, justement, la bracha, c'est qu'on combine le Itaruta d'Il Tata, Itaruta d'Il Ela, qu'à travers notre effort, on reçoit quelque chose d'encore plus grand. D'accord. Je souhaite à tout le monde sur cette table qu'à travers les 3 matzot et les 4 osot qu'on va prendre pendant Pessah, on va bien intégrer ce sujet, on va les manger, donc ça va s'intégrer, et on va pouvoir vivre ça.